franceinter.com. C'était il y a 50 ans. En 1960, les colonies africaines de la France accédaient à l'indépendance. À l'occasion de cet anniversaire, retour sur une indépendance, celle du Cameroun, qui a parfois été, et même souvent, dramatique. Une guerre peut en cacher une autre. C'est la première réflexion qui m'est venue à l'esprit lorsque M. X a commencé à évoquer cette affaire. Oui, une guerre oubliée. Pendant qu'en Algérie, l'armée française menait ce qu'on appelait alors pudiquement des opérations de pacification, d'autres éléments de cette même armée étaient engagés au Cameroun. Et comme en Algérie, ils pacifiaient à leur façon et traquaient les opposants au régime de ce pays nouvellement indépendant. Une longue traque qui a causé la mort de milliers de personnes. Mais la presse et l'opinion n'étaient alors préoccupés que par la trop longue guerre d'Algérie et son cortège d'horreurs. On pouvait donc massacrer en toute discrétion au Cameroun. Et il faudra attendre des années avant que des journalistes ou des historiens ne tentent de faire la lumière sur ces tragiques événements. Monsieur X revient en détail sur ce qui demeure l'une des pages les plus noires de l'histoire coloniale de notre pays et de la France-Afrique, comme l'a baptisé lui-même le président ivoirien Oufouette Boigny. Mais une page quasi inconnue où les services secrets ont joué leur partition avec une redoutable efficacité. France Inter, rendez-vous avec X. Peut-être vous souvenez-vous, mais nous avons évoqué autrefois, un à côté de l'histoire du Cameroun. Oui, c'est l'assassinat de l'opposant Félix Moumié. Oui, ouais, un assassinat perpétré en Suisse par des agents du SDEC. Si vous le voulez bien, nous y reviendrons là-dessus. Car l'assassinat du docteur Moumié n'est qu'un épisode parmi d'autres de cette guerre oubliée. Mais auparavant, un mot peut-être sur ce très beau pays. Et ces paysages contrastés, comme on dit dans les guides touristiques. Le Cameroun se trouve en effet à cheval entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale. Ça signifie qu'en parcourant le pays, on passe de la forêt équatoriale aux savanes sahéliennes. Près du Tchad. Hein. Ouais, la pointe nord-est touche en effet le lac Tchad. Et il faut aussi parler de la montagne. Le mont Cameroun culmine à plus de 4000 mètres et ses pentes volcaniques sont très fertile. J'imagine que cette diversité géographique s'accompagne aussi d'une diversité ethnique. Bah naturellement, il existe au Cameroun des dizaines de groupes ethniques différents. Mais pour simplifier, disons qu'il y a 6 grands ensembles. Cette mosaïque est également linguistique et religieuse. Anglophones et francophones, catholiques, musulmans, animistes, quoique animistes, ils le sont à peu près tous. Et depuis quelques années, on assiste également, comme dans d'autres pays africains, à une grande offensive des sectes protestantes. J'ajoute aussi, mais ça ne vous étonnera pas, que le colonisateur jouera de cette diversité en dressant les ethnies les unes contre les autres. Quand je dis le colonisateur, je devrais plutôt employer le pluriel. Oui, parce que le Cameroun a d'abord été allemand, hein, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Il a été conquis par Berlin à la fin du 19e siècle, la barbe des Français et des Britanniques. Mais à l'issue de la Grande Guerre, le pays passe sous le contrôle de la Société des Nations, à charge pour la France et la Grande-Bretagne de l'administrer. Le pays est alors partagé. Et ça devient un territoire sous mandat. Deux territoires. Oui, oui. Et puis sous tutelle des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Bon, ce qui ne change rien. Concrètement, ce sont bien la France d'un côté et la Grande-Bretagne qui continuent à régner. Exactement. Et le Cameroun devient un pays associé à l'Union française et envoie des députés à Paris. Mais dès 1945, on assiste au premier soubresaut anticolonialiste. Derrière, il y a un syndicat, créé clandestinement un an plus tôt à l'initiative d'un Français membre de la CGT, ce qui vous étonnera. Ce syndicat, affilié à la centrale métropolitaine, sort de l'ombre l'année suivante et organise des manifestations. Et cela déclenche une violente réaction des colons qui sont hostiles à tout changement. Et cette réaction se... Ces blancs sont armés et n'hésitent pas à tirer sur les manifestants. Il y aura plusieurs dizaines de morts. Des Noirs? Oui. Mais pourquoi autant de violence alors? Sans doute ces colons ont-ils eu peur. Il faut en effet savoir que ces derniers, qui passent souvent leur congé en Afrique du Sud, sont tentés de reproduire au Cameroun le régime d'apartheid. Quoi qu'il en soit, cette tuerie exacerbe les tensions raciales dans le pays et bientôt un homme va surgir. Un homme qui Ruben Niobe. Un curieux personnage qui sera très vite populaire. Pourquoi curieux alors? Parce qu'il est pétri de contradictions. Cet indépendantiste farouche est aussi à sa façon pacifiste. Il refusera en particulier d'être armé, même lorsqu'il créera un maquis anticolonialiste. Chrétien, il est aussi animiste. Ouais, ce qui n'est pas exceptionnel en Afrique. Hein. Ouais, vous avez raison. D'autant que son père était un sorcier reconnu. Un sorcier. Enfin, hein. Je poursuis. Éduqué donc par des missionnaires américains et plutôt mystique, Niobe sera aussi très attiré par le marxisme. Enfin, ce nationaliste a été un partisan résolu du soutien aux combattants de la France libre dans leur lutte contre le nazisme. Et d'ailleurs, pour lui, sa lutte pour l'indépendance ne sera qu'une suite logique de ce combat pour la liberté. Alors, pardonnez-moi, mais enfin, moi je ne vois pas beaucoup de contradictions dans tout cela. Là. Et que fait ce Niobe dans la vie? D'origine modeste, après avoir suivi les cours de l'école normale quand même, il exerce divers emplois de fonctionnaire. En même temps, il anime des chorales, des mouvements sportifs, etc. Mmh. Et il lit. Il n'arrête pas de lire. Un dernier mot pour en finir avec ce portrait. À l'école normale, le jeune Niobe a été qualifié de studieux, mais raisonneur. Oui, donc pas très docile. Et prompt à contester ses maîtres français. Avant la guerre de 39-45, il sera même le meneur d'un mouvement de protestation contre la mauvaise nourriture servie aux étudiants. En tout cas, il apparaît très vite comme étant un personnage charismatique, un dirigeant naturel, et il s'impose facilement à la tête de ce syndicat dont je vous ai parlé. Puis, quelque temps après, il devient le premier secrétaire général d'un nouveau mouvement politique, l'UPC. L'Union des Populations du Cameroun. Et quel est le programme de ce parti? Il peut se résumer en 3 points. Premièrement, l'UPC demande la réunification du Cameroun. C'est-à-dire la réunion des partis françaises et britanniques. Hein, ouais. Ouais. Ensuite, Oum Niobé et les siens exigent l'annulation de la résolution de l'ONU confiant la tutelle et l'administration du Cameroun à la France. Enfin, et c'est la suite logique de ce qui précède, l'UPC se prononce pour l'indépendance immédiate. Et au fond, c'est ce qui avait déjà été esquissé hein, par la fameuse conférence de Brazzaville de 1944. Ah oui, où il avait déjà été évoqué l'émancipation des pays africains. Et l'UPC rejoint presque naturellement le RDA, le Rassemblement démocratique africain fondé par Houphouët Boigny. Mais politiquement, là, où se situe l'UPC de Niobé ? Étant donné ce que je vous ai dit du personnage, l'UPC ne peut que se situer à l'extrême-gauche. Ouais, très proche des communistes, donc. Et d'ailleurs, dans ses premières années de l'après-guerre, Houphouët Boigny lui-même est un compagnon de route du PC français. Mais ça va bientôt changer. Au tout début des années 50, Houphouët Boigny tourne casaque, rompt avec le PC et, sans renier ses convictions nationalistes, prône la coopération avec le colonisateur. Oui, il ne veut pas de rupture avec Paris. Hein, mais contrairement à Niobé, les deux hommes s'éloignent donc l'un de l'autre. J'imagine là que cette UPC doit être assez mal vue par l'administration française. Forcément, ces nationalistes sourcilleux gênent. Et les hauts commissaires qui vont se succéder au Cameroun, en dépit souvent de leurs convictions progressistes ou socialistes, vont s'acharner à leur mettre des bâtons dans les roues. C'est d'autant plus vrai que la guerre froide bat son plein et que l'UPC est réputée proche des communistes. Donc lutter contre l'UPC et ses affidés, c'est lutter contre l'influence communiste. Oui, mais bien sûr, l'administration surveille étroitement l'organisation qui s'implante solidement dans certaines régions du pays. Où en particulier alors ? Essentiellement dans le sud et le sud-ouest, c'est-à-dire les régions où vivent les Camerounais appartenant aux ethnies Bassa et Bamileke. Niobé étant lui-même à Bassa. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont les régions les plus développées où il existe déjà un prolétariat, surtout dans le port de Douala, où sont recrutés les deux tiers des fonctionnaires. En sont issus aussi la plupart des intellectuels et étudiants du pays. Ça signifie que la propagande de l'UPC fonctionne. Incontestablement. Et malgré les coups de griffe de l'administration coloniale, le parti de Niobé est en passe de rassembler la plus grande partie de l'opinion camerounaise. À l'exception, bien sûr, de la population du Nord qui vit encore sous la férule des sultans très anticommunistes. Quant à Oum Niobé, il devient un leader de plus en plus en vue, et à tel point que beaucoup de Camerounais ne l'appellent pas autrement que Podol, c'est-à-dire le sauveur. Culte du chef ? Certainement, même si Niobé ne succombe pas à cette idolâtrie. En tout cas, l'UPC, qui se sent de plus en plus forte et pense représenter le peuple camerounais, ne cesse d'envoyer des pétitions à l'ONU. Quoi, pour demander la fin de la tutelle française ? Bien entendu, mais autant le dire tout de suite, à l'ONU, on est très circonspect. Donc pas très enclin à donner satisfaction à Niobé et ses amis ? Toujours à cause de la coloration politique de l'UPC. Ah oui, parce que beaucoup de pays ne veulent pas voir un régime communiste ou crypto-communiste s'établir en Afrique, parce que ça pourrait donner des idées à d'autres. Hein. Évidemment. Et puis ça permettrait à l'URSS de poser le pied sur le continent. Il n'empêche que la progression de l'UPC est réelle et que Paris entend à tout prix la juguler. Et pour réaliser cet objectif, il n'existe que deux méthodes. La première, certainement la plus sage, consiste à entamer le dialogue avec ces indépendantistes afin de leur permettre d'entrer dans le jeu politique camerounais et d'avoir une représentation dans les assemblées. Ouais, ça c'est la carotte. Et la deuxième méthode, c'est le bâton, c'est-à-dire l'écrasement du mouvement par la force. Et c'est malheureusement cette solution que va choisir l'administration coloniale. Ayoye kukunga wasenga Unyenge mwapa moto Mami nyanga tingemba musuka Mondene no sikanga ndoninka Umana mwana mwa Wamse na mala Umana mwana mwa Wamse na mala Thank you. mendeno subalambo wenge fufu ne sakangomba depuis quand même makabona posi ngando buki moto mangamba porwo Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Niobe, qui se présente volontiers comme le Ho Chi Minh camerounais, choisit la tactique suivante selon un des meilleurs connaisseurs de la question, Georges Chaffard, auteur des carnets secrets de la décolonisation. Je le cite. Le Cameroun n'est pas un territoire d'outre-mer comme les autres, mais un pays sous tutelle, sur lequel la France n'exerce qu'un mandat provisoire pour le compte des Nations Unies. Il suffit, dès lors, pense l'UPC, de créer une situation révolutionnaire telle que l'attention de l'ONU soit promptement attirée sur la façon déplorable dont la France s'acquitte de son mandat. Par le retentissement d'une campagne à New York étayée sur l'action intérieure de l'UPC, on obtiendra plus vite la levée de tutelle et la remise du pouvoir au véritable représentant des aspirations populaires, Niobe et ses lieutenants. Après quoi, d'ailleurs, les nationalistes camerounais ne refuseront pas en toute souveraineté de négocier leur adhésion conditionnelle à l'Union française. Encore ne pourraient-ils s'engager qu'après consultation de leurs compatriotes vivant dans la zone sous administration britannique et qui sont eux aussi opposés à une intégration dans l'empire colonial de Sa Gracieuse Majesté. Calcul chimérique ? À première vue, pourtant, le programme et la tactique sont cohérents, les revendications légitimes, et ils se réaliseront point par point. À ceci près que les bénéficiaires de l'opération ne seront pas les dirigeants de l'UPC, mais les nationalistes modérés qui, eux, pour parvenir au même but, auront su plus habilement choisir la voie de la collaboration avec les autorités de tutelle. La mise en œuvre de cette politique du bâton coïncide avec l'arrivée d'un nouveau haut-commissaire au Cameroun, Roland Pré. Pourtant, ce dernier, qui a déjà exercé dans d'autres postes en Afrique, arrive à Yaoundé avec de très bonnes intentions. Ouais, mais quand arrive-t-il là ? Fin 1954, je crois. Ah oui, donc après la défaite de Dien Bien Phu. Vous avez raison de souligner ce point, car l'anticolonialisme marque des points un peu partout dans le monde. Et cela doit encourager en particulier les militants de l'UPC. Et bientôt, en novembre 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. Ouais. Alors, vous avez dit que le nouveau commissaire arrivait avec de bonnes intentions. En effet. Non seulement le président du Conseil, Pierre Mendès France, lui a demandé d'amorcer un dialogue avec les indépendantistes, mais Roland Pré est bien décidé à agir avec efficacité en faveur du développement économique du pays. Parce que pour lui, c'est le plus important. Oui, oui, la politique, ça passe après. Ce qu'il veut, lui, non sans une certaine naïveté, c'est le rassemblement de toutes les forces vives du Cameroun afin de travailler au développement. Oui, mais ça ne doit pas coller avec les aspirations de Niobe et ses amis. Ce qu'ils désirent, eux, c'est d'abord l'indépendance. En préalable. Et le fossé va progressivement se creuser entre le haut commissaire et les nationalistes. Au fond, on ne se comprend pas. C'est ça. C'est ainsi que cet homme, venu avec les meilleures intentions du monde, est amené peu à peu à durcir ses positions et à opter pour une politique répressive. Et Paris, Paris laisse faire ? Le gouvernement de Pierre Mendès France ne dure que 7 mois, vous le savez bien. Et puis, il y a la guerre d'Algérie et le Cameroun. C'est loin, très loin. Enfin, il ne faut pas méconnaître non plus le poids du lobby des colons. Ouais, les colons qui, eux, ne veulent absolument pas entendre parler d'indépendance. Mais ils ont trouvé un relais, l'Église catholique. Au moins, la hiérarchie. Cette même année, 1955, les évêques, de façon assez inhabituelle, envoient une lettre aux fidèles afin de les mettre en garde contre l'UPC, accusé d'être communiste. C'est en même temps une prise de position là, contre l'indépendance. En tout cas, ça y ressemble. Et dans le même temps, une nouvelle fois, l'UPC et d'autres organisations nationalistes publient une déclaration réclamant la fin de la tutelle française. Pour le haut-commissaire, c'est une sorte de déclaration de guerre. Alors même que dans son esprit, les indépendantistes refusent la main qu'il leur tend. Et ça se vérifie jour après jour. Même les notables camerounais refusent les contacts avec l'administration. Alors, bafoué ou vexé, le haut-commissaire décide d'interdire les réunions publiques de l'UPC. Ce qui ne fait, bien sûr, qu'aggraver la situation, parce que les indépendantistes ne tiennent aucun compte de cette interdiction et défient ouvertement l'administration coloniale. Alors, dans une telle situation, que peut faire le haut-commissaire ? On assiste à une sorte de fuite en avant, et dans les deux camps, on se braque. Et forcément, ça dégénère. Ouais. En mai 55, bravant l'interdiction, l'UPC tient un meeting à Douala. Le tribun, c'est le docteur Moumier. Et le ton est quasiment révolutionnaire. Le leader indépendantiste annonce que Oum Niobé a décidé de prendre le maquis et de préparer dans la clandestinité la lutte de libération nationale. Et une semaine plus tard, Moumier récidive dans la capitale, Yaoundé. Et le haut-commissaire, là, ne peut pas ne pas réagir. Bah, il envoie les gendarmes. Mmh. Ces derniers, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas les bienvenus et sont molestés par la foule des sympathisants de l'UPC. Et c'est le début d'un cycle de violence qui ne s'arrêtera pas avant des années. Des villages, en Pays Bassa ou Bamileke, se soulèvent. Des postes de police sont attaqués, des Européens sont visés. En face, les forces de l'ordre obtiennent l'autorisation de tirer, même sur des manifestants sans armes. Il y a des morts, des blessés, et ça va durer plusieurs jours. Mmh. Bilan ? Une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Il faut aussi ajouter que des provocateurs allument des incendies à Douala. Et ceux-là, qui sont-ils ? Bon, ils sont certainement anti-indépendantistes, et la police est montrée du doigt. Tout ça donne l'impression que le haut-commissaire est dépassé par les événements. Bah, certainement, quoi qu'il en soit. Il lui est désormais difficile de reculer. D'autre part, il faut reconnaître que l'UPC a sans doute surestimé ses forces. Car l'insurrection ne se généralise pas, contrairement aux espoirs du camp indépendantiste. Parce que ces indépendantistes avaient l'intention de prendre le pouvoir ? Bah oui, mais une révolution, ça ne s'improvise pas. Et incontestablement, les dirigeants de l'UPC ont commis une erreur politique en provoquant l'administration coloniale, alors qu'ils n'étaient pas prêts à aller jusqu'au bout. Résultat, le haut-commissaire obtient de Paris l'interdiction de l'UPC et fait arrêter des centaines de militants. Et d'autres prennent le maquis tandis que leurs principaux chefs, dont Moumier, trouvent refuge au Cameroun britannique. À côté, quoi. Et Niobé, lui, alors ? Il demeure dans le maquis, dissimulé pas très loin de son village natal, en Pays Bassa. Il faut aussi noter que l'insurrection a été menée sans lui, puisqu'il était déjà dans la clandestinité. Il a même fait savoir qu'il la désapprouvait. Ah bon, mais pour quelle raison, alors ? Niobé n'est pas, par principe, hostile à une action armée. Mais il a considéré, non sans raison, que cette insurrection était prématurée. Mmh. Parce que, comme vous le disiez, les indépendantistes n'étaient pas assez organisés. Quoi, oui, oui, celui qui demeure le nationaliste le plus populaire dans son pays donne l'ordre aux militants de ne plus bouger. En tout cas, pas avant d'avoir structuré le mouvement et organisé ses réseaux clandestins. Il entend avant tout faire une démonstration de force à l'occasion des élections des députés à l'Assemblée territoriale. Une assemblée qui doit adopter un statut d'autonomie interne. Alors, ça veut dire qu'il entend participer au scrutin ? Bah, il ne le peut pas, puisque son mouvement demeure interdit. Mais il y aurait peut-être une solution. Un homme politique camerounais, Sopo Priso, a créé un parti qui est à la fois proche des socialistes français et développe des thèses indépendantistes. Ah oui, alors l'UPC pourrait présenter des candidats sous cette étiquette, c'est ça ? Pourquoi pas ? Priso n'y est pas hostile. Et le nouveau haut-commissaire serait tenté de fermer les yeux. Nouveau commissaire, parce que Roland Pré est parti. Bah, il lui était difficile de rester au Cameroun tant il incarnait la répression. Et qui lui succède alors ? Pierre Messmer, le futur ministre des armées du général de Gaulle. Mais il faut rappeler que ce haut fonctionnaire, un ancien de l'École nationale de la France d'outre-mer, a une longue expérience des territoires coloniaux. Discipliné, rigoureux, il a été choisi par le socialiste Gaston Defferre, alors ministre de la France d'outre-mer. Mais je vais reparler de lui. Auparavant, je poursuis donc. Grâce à ces élections, les militants de l'UPC auraient donc l'occasion de sortir de l'illégalité. Toutefois, cette occasion va être manquée. Que se passe-t-il alors ? Mais les gens de l'UPC, très méfiants, ont peur d'un trucage des élections. Et finalement, ils repoussent l'offre de Sopo Priso et décident de boycotter le scrutin. Mais pour être tout à fait honnête, certains ont avancé une autre explication. Les indépendantistes n'auraient pas eu envie de se compter. Ah oui, parce que le suffrage aurait pu indiquer qu'ils étaient en fait moins nombreux qu'ils ne le proclamaient. En effet. Mais enfin, je n'y crois pas trop parce que dans les régions où ils sont bien implantés, les électeurs répondront à leurs consignes de boycott et s'abstiendront en masse. Cependant, ces élections ouvriront ce que l'on va appeler la semaine sanglante. Toutefois, parlons d'abord du nouveau commissaire et de son action. Certes, Messmer est envoyé au Cameroun pour appliquer la politique libérale de Gaston Defferre. Une politique qui, à terme, doit conduire à l'indépendance. Ça, c'est certain. Ouais. D'abord l'autonomie interne, puis l'indépendance. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Car le haut-commissaire n'arrive pas tout seul. Que voulez-vous dire, là ? Il est accompagné par un homme à poigne, Maurice Delaunay, à qui il va confier le commandement de la région sud-ouest. C'est-à-dire là où existent les maquis indépendantistes. Et Delaunay, qui dispose d'une vingtaine de pelotons de gendarmerie et d'un bataillon d'infanterie de marine, est bien décidé à remettre de l'ordre dans la région. Et il ira même beaucoup plus loin. France Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Pierre Messmer a parlé de son expérience au Cameroun dans un livre paru en 1998, « Les Blancs s'en vont, récit de colonisation », je le cite. Au mois d'avril, j'arrivais à Yaoundé, capitale du territoire sous tutelle. Je connaissais un peu le Cameroun pour y avoir fait deux brefs séjours. Et surtout, mon expérience de l'Indochine m'avait appris comment traiter une insurrection communiste. Les combats et les négociations avec le Viet Minh m'avaient enseigné deux règles. On ne peut discuter utilement avec des dirigeants communistes que si on est en position de force politique et militaire. Dans la négociation, il faut être net et carré, ne jamais faire dans la dentelle. Face à Oum Niobe, qui tenait déjà le maquis quand j'avais été nommé au commissaire, j'avais d'abord pratiqué la politique du containment en l'empêchant de sortir du pays Bassa, sa forteresse, et en assurant la sécurité des zones sensibles, la voie ferrée, la ville d'Edea avec son barrage hydroélectrique et son usine d'aluminium, et celle d'Ezeka avec son industrie du bois. J'espérais aussi, à tort j'en conviens, qu'en laissant l'UPC à peu près tranquille dans ses forêts, elle condamnerait les élections sans les troubler, se limitant à des consignes d'abstention qui avaient été bien suivies lors des élections municipales. Mais, puisque l'UPC avait choisi le terrorisme, je devais réagir vite et fort. Une explication qui, convenons-en, ne manque pas d'une certaine franchise. Donc Messmer, au commissaire, a reçu pour mission d'agir de façon très libérale, mais en même temps, avec ce Delaunay, là, il est prêt à utiliser le bâton. Oui, c'est toujours la politique du double jeu. Et ça deviendra encore plus évident lors de l'accession à l'indépendance. C'est-à-dire On veut bien donner l'indépendance au Cameroun et à nos anciennes colonies, mais à condition de pouvoir encore les contrôler, politiquement et surtout économiquement. Donc, pas question de remettre les clés de la maison à n'importe qui. Mais surtout pas à ces crypto-communistes de l'UPC. Vous avez tout compris. Alors, voyons la suite. L'UPC, en choisissant le boycott des élections territoriales, a opté, c'est vrai, pour la politique du pire. Les indépendantistes veulent montrer que rien ne se fera sans eux. Et à la fin 56, ils franchissent un cran supplémentaire. Quoi ? Ils créent ce qu'ils appellent le Comité National d'Organisation, le CNO. Un organisme qui est chargé de préparer la lutte populaire, autrement dit la lutte armée contre le colonisateur. C'est quasiment la constitution d'une armée secrète ? Oui, mais enfin une armée de pauvres. Les indépendantistes des maquis disposent de très peu d'armement. Et bien souvent, ils ne sont dotés que de machettes ou de fusils de chasse. Ouais, c'est assez dérisoire. Hein. Alors, ils commencent par des actions ponctuelles. Des sabotages, par exemple, sur les lignes téléphoniques ou sur la voie ferrée qui relie le port de Douala à Yaoundé. Et puis c'est malheureusement aussi inévitable que regrettable, ils s'en prennent à des notables, ceux qu'ils appellent les valets du colonialisme. Plusieurs d'entre eux sont exécutés, et même des sympathisants dont le seul tort est de s'opposer à la violence sont tués. Et cela, j'imagine que Oum Niobé, plutôt pacifiste, ne peut pas l'accepter. Bien entendu, mais des fractures sont déjà apparues au sein de l'UPC. Les dirigeants de l'extérieur, qui comme Moumier ont fui à l'étranger, sont plus radicaux. Et ce sont eux qui poussent quelques excités à commettre des actes irréparables. Au risque de s'aliéner la sympathie d'une partie de la population. Ouais, un assassinat en particulier provoque une grande indignation, celui d'un médecin, le docteur Delangue, un nationaliste modéré, ancien des forces françaises libres et qui a choisi d'exercer son métier dans une zone rurale. Ah oui, pas dans une ville où ça serait plus facile. Oui, en Pays Bassa, dans une région du sud qu'on appelle la Sanaga Maritime et qui va justement connaître des événements très graves. Tout commence au jour fixé pour les élections, fin décembre. Des villages se soulèvent, des cartes électorales sont brûlées et des habitants répondant aux mots d'ordre de l'UPC désertent même leur village afin de ne pas aller voter. Résultat, des gendarmes français et des soldats, dont beaucoup sont camerounais, vont se lancer dans la répression. Des cases sont incendiées dans plusieurs villages et des militants indépendantistes sont abattus. Mais est-ce que ces indépendantistes là, ont les moyens réels d'affronter les forces de répression ? Absolument pas. Alors dans la plupart des cas, ils rompent et regagnent leur maquis. À l'abri de la forêt, ils sont très difficilement repérables. Ils ne sont pas poursuivis ? Non, parce que ceux qui pourraient les poursuivre n'ont aucune expérience de la lutte anti-guérilla. Alors, ils renoncent. Et comme après cette semaine sanglante, les guérilleros camerounais ne se manifestent pas pendant une longue période, le commandement français estime que l'opération a été un succès et que la pacification de la région est acquise. Une illusion. Bien évidemment. Et un homme le comprend mieux que les autres. Un spécialiste de la guerre anti-révolutionnaire qui vient épauler Maurice Delaunay. Mais avant, si vous voulez bien, voyons comment évolue la situation politique. D'abord, il faut noter que seul le Pays Bassa s'est soulevé. Dans le reste du Cameroun, on a voté presque normalement. Et l'Assemblée élue, après avoir voté le statut d'État autonome sous tutelle, investit un Premier ministre, André-Marie Mbida. Naturellement, Mesmer n'est pas tout à fait étranger à ce choix. Oui. Et qui est ce Mbida ? C'est un modéré vaguement teinté de socialisme et surtout très anti-UPC. Et le vice-président est un jeune fonctionnaire musulman dont on reparlera. Amadou Ahidjo. Le futur président du Cameroun. Exactement. Et déjà, il apparaît que Ahidjo ferait une excellente roue de secours si Mbida ne donnait pas satisfaction. C'est-à-dire s'il ne donnait pas satisfaction à l'administration coloniale. Bon, mais enfin, c'est bien ce que je voulais dire. Bon. Cependant, pour être parfaitement impartial, je dois vous signaler que, après la répression menée en Pays Bassa, le haut commissaire Pierre Mesmer fait une tentative d'ouverture en direction de l'UPC de Niobé. Comment procède-t-il Il demande à Mgr Mongo, évêque coadjuteur de Douala, d'être son messager. Auprès de Niobé, donc. Et l'évêque, non sans un certain courage, va aller trouver le chef indépendantiste dans son maquis. En pleine forêt. Oui, il faut plus de 2 jours pour rejoindre le chef de l'UPC. Ouais. Que donnent ces discussions alors ? Pas grand-chose. Car les exigences de Niobé sont inacceptables pour Mesmer. Le leader indépendantiste veut, en effet, être reconnu comme l'interlocuteur privilégié du haut-commissaire. Et il réclame le poste de Premier ministre dans la perspective de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ah ouais, c'est peut-être demandé un peu trop, là. Bien sûr. Il semble que Niobé, reclus dans son maquis, ait perdu le contact avec les situations réelles de son pays. Il n'en reste pas moins que le sauveur, comme le nomment ses partisans et tous ceux qui l'admirent, demeure un personnage populaire et presque légendaire, puisque personne, à l'exception de ses compagnons, ne le voit plus. Alors, je reviens à ce que je vous disais donc tout à l'heure. Ah oui, le spécialiste de la guerre anti-révolutionnaire qui vient de rejoindre Delaunay, c'est ça ? Avec l'approbation du haut-commissaire, bien entendu. Vous avez certainement entendu parler de lui, Daniel Doustin. Oui, c'est un haut fonctionnaire là, qui a plus tard été directeur du contre-espionnage. L'ADST, oui. Ouais. Doustin, directement rattaché au haut-commissaire, est donc envoyé au sud Cameroun pour épauler Delaunay et en finir avec les maquis UPC. Donc en accentuant la répression. Oui, quitte à recourir à des méthodes pas très orthodoxes, pour ne pas dire catholiques. Delaunay a déjà donné l'exemple, sachant parfaitement que les dirigeants les plus durs du mouvement indépendantiste ont trouvé refuge au Cameroun britannique et coordonnent l'action des maquis à l'abri derrière la frontière. Il décide d'organiser une opération commando pour les déloger et, si possible, se débarrasser définitivement d'eux. C'est-à-dire les tuer, quoi. En effet. C'est excessivement grave parce que, ben d'abord, c'est une action en territoire étranger. Oh, mais ça fait pas peur à Delaunay. Et est-ce que le haut-commissaire Mesmer, lui, est au courant? Il m'étonnerait quand même beaucoup que Delaunay, qui est un fonctionnaire, ait pris seul une telle initiative. Donc, une nuit de juin 1957, un commando franchit la frontière et détruit le siège de l'UPC. Seul regret de Delaunay, le principal chef indépendantiste en exil, Félix Moumier, est absent et échappe donc à la mort. Est-ce que cette action spectaculaire, illégale mais spectaculaire, met fin aux activités de l'UPC? Non. Dans son maquis, le grand maquis, comme on l'appelle de façon un peu présomptueuse, Niobé continue d'agir. Son ambition est de substituer à l'administration existante sa propre administration. Bref, il veut faire de la région qu'il contrôle un territoire libéré. Il structure ses troupes, organise un service de renseignement et crée même des tribunaux populaires chargés de juger les traites, c'est-à-dire tous ceux qui collaborent avec les Français et le gouvernement fantoche de Yaoundé. Mais encore une fois, est-ce que c'est réaliste parce qu'il ne règne que sur une région D'accord, mais il veut faire un exemple. Et ainsi encourager d'autres régions à le suivre. En tout cas, ces troupes multiplient les coups de force. Pour Delaunay, pour Doustin et bien sûr le Haut Commissariat, ça ne peut pas durer plus longtemps. En décembre 1957, l'administration coloniale décide la création de ce que l'on nomme pudiquement la zone de pacification du Cameroun. Une opération militaire qui doit se dérouler en deux temps. Expliquez. Il s'agit d'abord de regrouper de force les populations dans des villages situés le long des grandes voies de communication. Pour mieux les surveiller, quoi. Et les éloigner des maquis. Notez bien que l'armée française n'a pas agi autrement en Indochine, avec la création de ce qu'on appelait alors les hameaux stratégiques. Ouais. Et ensuite, alors? C'est l'opération militaire proprement dite. Quadrillage et réduction par la force des maquis de l'UPC. Avec une priorité, même si ce n'est écrit nulle part, l'élimination physique de Ruben Niobé. Mais si vous voulez, comme il se fait tard, nous en parlerons dans un prochain entretien. Revenons, avant d'en terminer, sur l'opération commando de Maurice Delaunay. Il a raconté lui-même cet acte illégal dans ses mémoires et a confirmé que Pierre Mesmer était parfaitement au courant. J'avisais le haut-commissaire de mon intention, il approuva. Mais il me précisa que si j'échouais, et surtout s'il se produisait quelques bavures, il ne pourrait en aucun cas me couvrir. C'était normal. Mais j'étais décidé à prendre le risque de mener à bien une opération qui se révéla hautement bénéfique. Il était en effet particulièrement tentant d'essayer de détruire un chancre situé à notre porte, d'où venait le ravitaillement en armes et en munitions et toutes les consignes et instructions destinées aux maquisards pour réaliser leurs actes de terrorisme. Par une belle nuit, donc, quelques hommes décidés et sûrs, français barbouillés au charbon et camerounais, tous volontaires, arrivèrent à Bamenda, pénétrèrent au siège de l'UPC, incendièrent l'ensemble des bâtiments et mirent définitivement hors d'état de nuire quelques-uns des principaux responsables du parti. À samedi prochain pour la suite de cette histoire et en particulier l'assassinat de Youm Niobé. Et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission.